Studekweb. Studekweb, il est 18h, merci d'être avec nous. Les titulaires, avec Johan Bredov, sur Studekweb. Et bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Studekweb pour cette première des titulaires saison 2. Avec moi aujourd'hui, des habitués, Antoine Ballet. Comment ça va Antoine? Ça va Johan, merci. Johan Guillet, comment ça va? Toujours, toujours. Et Arthur Vincent qui est là, ça oui. va? Coucou, ça va bien, ça va bien. Ah, il est là. On parlera aujourd'hui de l'événement de ce week-end, évidemment la Coupe Davis, Pouille écartée au profit de Chardy et Tsonga, un double importantissime samedi et on débattra autour de la réforme de la Coupe qui sera effective dès la saison prochaine. Ensuite, on parlera foot et de la reprise des championnats européens. En Ligue 1, un choc est attendu ce soir, le derby, le vrai, entre Lyon et Saint-Etienne. Alors qui va s'imposer? L'avis de nos titulaires tout à l'heure. Paris aussi dans l'actualité, Neymar et Mbappé préservés pour Toulouse. Seront-ils remis pour le match de Ligue des Champions face à Liverpool mercredi? On verra ça tout à l'heure. Juste avant de parler transfert avec le cas Adrien Rabiot, toujours pas prolongé, il risque de partir cet hiver. Alors que faire pour le PSG? On parlera aussi des chocs du week-end en Europe entre Tottenham et Chelsea, puis en Liga entre l'Atlético et Barcelone. Et pour conclure, le face-à-face, c'est tout nouveau. Ça sera là, cette fois, entre Arthur et Johan. Kubica qui revient chez Williams. Et ça change tout pour Esteban Ocon, qui restera pilote de réserve pour Mercedes, au lieu d'aller dans l'écurie anglaise. Mes deux compères ne sont pas d'accord et ça va chauffer. Mais avant tout ça, on commence par le journal des sports. Les titulaires, le journal des sports. Et le journal des sports, c'est avec Arthur Vincent. Et oui, on commence avec le football. La Ligue 1 reprend ses droits après la trêve internationale pour le compte de la 14e journée. Et on commence fort ce soir avec le bouillant Lyon-Saint-Etienne. Les deux équipes joueront une place sur le podium puisqu'ils sont respectivement 4e et 5e. Ce derby s'annonce donc très chaud, coup d'envoi à 21h. Demain, le PSG affrontera Toulouse sans ses deux stars Neymar et Mbappé. Marseille se rendra à Amiens pour clôturer cette 14e journée de Ligue 1. En rugby, le 15 de France affronte les Fidji demain soir au Stade de France après sa victoire la semaine dernière sur l'Argentine. L'objectif est de continuer sur cette lancée pour se donner le maximum de confiance avant la Coupe du Monde prévue l'année prochaine. Et pour finir en Formule 1, c'est le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Les essais libres 1 ont débouché sur un doublé Red Bull avec Verstappen en tête devant Ricciardo. Hamilton est quant à lui 4e, premier français Esteban Ocon est 5e, lui qui vient d'annoncer qu'il sera pilote de réserve de Mercedes l'année prochaine. Ce sera également la dernière en Formule 1 pour le double champion du monde Fernando Alonso. Rendez-vous dimanche pour le Grand Prix. Merci Arthur et on va commencer tout de suite avec la Coupe Davis. La Coupe Davis, alors c'est l'événement de ce week-end, je le disais, c'est la finale entre la France et la Croatie. Des choix forts ont été faits par Yannick Noah, il a dû faire face aux blessures de Gasquet et Monfils, notamment les deux premiers joueurs français au classement ATP. Et je rappelle la sélection des 5 joueurs, Tsonga, Chardy qui joueront en simple, Mahut Herbert en double et c'est Pouille qui est remplaçant. Alors que pensez-vous de ce choix Arthur? Moi je suis assez embêté, après j'ai envie de dire il fait du Noah. Yannick Noah il aime bien tenter des coups, ça avait plutôt bien marché l'année dernière avec Lucas Pouille qui était vraiment pas en forme et au final c'était lui qui nous avait apporté le dernier point. Après, est-ce que ça va marcher avec un Tsonga qui revient de blessure, certes, qui a fait un bon match contre Raonic. Après, il n'a pas encore trop prouvé, mais contre un Marin Cilic qui pète la forme en ce moment, pour moi, ce n'était pas forcément le choix le plus judicieux. Je pense que peut-être que Lucas Pouille, sur son jeu, aurait pu poser peut-être plus de difficultés à Marin Cilic. Après, Chardy, c'est soit c'est très bon, soit c'est très mauvais. Je crois que c'était en 2012 à l'Open d'Australie où il était allé jusqu'en quart de finale. Il avait été vraiment très très bon. Mais c'est vrai que pour moi, depuis 2-3 ans, j'ai l'impression qu'il a du mal à retrouver vraiment son meilleur niveau. J'ai l'impression qu'il est plus sur la phase descendante. Donc un coup de poker de Noah. Après, est-ce que ça va passer? Franchement, pour moi, c'est non. Johan, moi je me demande qu'est-ce qui a fait plus mal à Pouille au final? Est-ce que c'est le fait de mettre Tsonga contre Cilic ou est-ce que c'est finalement le choix de Chardy contre Coric? Je pense que ça a dû être un vrai coup de massue là pour lui. Je pense qu'il a dû se voir affronter Coric. Et le choix de Chardy, ouais, porte un petit peu l'interrogation. On se demande pourquoi Noah a fait ce choix, surtout que Pouille, on sait qu'il aime la Coupe Davis, en fait. On sait que c'est sa compétition, il l'a toujours aimé. Puis c'est un joueur, maintenant, je trouve, de Coupe Davis. C'est vrai, rien. C'est vrai. Maintenant, l'année dernière, il nous avait déjà surpris en ne mettant pas Mahut dans le double. Et ça, c'était payant. Est-ce que cette année, ça va l'être? J'en suis moins sûr. Antoine? On sait Noah, vous l'avez tous dit, c'est quelqu'un qui aime faire des choix, qui aime imposer. Le patron, c'est lui, et je décide. Après là, pour l'instant, ça lui a plutôt bien réussi, parce qu'à chaque fois qu'il a tenté des coups de poker, pour l'instant, ça a fonctionné. Est-ce que ça va durer éternellement? Ça, on peut pas vraiment le dire, parce que c'est quand même assez risqué, on va dire, de mettre Tsonga sur ce plan-là. Après, Lucas Pouille, je pense qu'il paye aussi peut-être son inconstance, ou ses sautes d'humeur. Parce que, on le sait, sur une Coupe Davis, c'est une compétition d'équipe. Le collectif, il est important. Et l'ambiance collective, elle est importante, surtout avec Yannick Noah aux manettes. Et Lucas Pouille qui s'énerve, on connaît ses sauts d'humeur à Lucas Pouille. Hein, ses fracassements de raquettes, ils sont devenus légendaires. Il y en a plein sur YouTube. Est-ce que ça a pas joué un même Internet. C'est devenu un même Internet, Pouille qui fracasse ses raquettes. Je pense que ça a joué en sa défaveur, tout simplement. Mais en tout cas, Pouille qui reste un choix pour Noah, qui s'est exprimé en conférence de presse. Je pense que notre chance, la force de notre équipe, c'est d'avoir la possibilité de jouer avec trois joueurs de simple. Alors la première question, c'était de savoir qui me semble prêt vendredi. Il y a trois joueurs, il fallait que j'en choisisse deux. J'ai choisi ces deux-là, tout en sachant que Lucas est prêt à rentrer à tout moment. Alors, tu t'en parlais un petit peu, Johan. Tu disais c'est peut-être la sélection de Chardy à la place de Pouille qui pose... problème en tout cas. Est-ce que Chardy jouera aussi dimanche? Est-ce que ça sera pas Pouille qui prendra la place si jamais Chardy fait un mauvais match aujourd'hui? Ça c'est l'autre interrogation. On sait que Chardy a été vraiment la grosse surprise au-delà de Tsonga. Pouille pourrait tout à fait jouer dimanche. Cela, je pense, dépendra des scores des matchs simples d'aujourd'hui et du double de demain. Ça pourrait se faire. Maintenant, je ne serais pas du tout étonné du pragmatisme de Noah et de reconduire Chardy le dimanche. Et Tsonga, 261e mondial, hein, Arthur en parlait, une saison tronquée par les blessures. Est-ce qu'on peut s'attendre à du grand jour? En tout cas, Noah le dit. Oui, il y a des joueurs qui ont fait de très bons matchs au mois de janvier, février, ouais. Mais là, on est au présent. On est dans l'action, on essaie d'être concentré sur le présent. Et Joe m'a vraiment surpris. C'était le projet, pour lui c'était le projet. Ouais, revenir, reprendre des points de repère, retrouver la vraie compétition. Et naturellement, il est rentré dedans parce que, enfin, il débute pas, quoi. C'est pas sa première sélection. Son gars a été pris pour l'expérience, en fait, Arthur. Oui, complètement. Puis après, de toute façon, nous, il y a quelque chose qu'on peut pas juger, c'est le niveau de Tsonga en ce moment. On l'a vu une ou deux fois. Et Noah, lui, il l'a vu à l'entraînement. Donc je pense qu'on peut lui faire confiance. Il a de l'expérience, il sait quelqu'un qui est plutôt en forme. Après, moi je trouve ce qui est dommage dans ce que Noah a fait, c'est que j'aurais bien aimé, par exemple, à la place de Chardy, voir un Benoît Paire qui avait été incroyable contre l'Espagne et qui est un joueur certes très énervant parce qu'il s'énerve pour un rien. On sait que mentalement il est très faible, mais ce joueur, il a un talent. Pour moi, c'est dans tous les joueurs français qui en ce moment, c'est celui qui a le plus de talent. Mais je pense que peut-être pas dans les deux premiers matchs, mais dans les matchs de dimanche contre un Cilic par exemple. Je pense que c'est le joueur qui aurait eu le plus de chances contre Marin Cilic comparé au Tsonga, Chardy et Pouille, pour moi, Paire, est capable de battre n'importe qui quand il est en forme. Après, Chardy est le joueur français qui a les meilleurs résultats face aux joueurs croates. Chardy, c'est le seul à avoir battu Koric et Cilic sur Terre. Et la finale se joue sur Terre. Cela parle pour lui. Maintenant, sur la question de Tsonga, il a un leadership naturel. Joe Wilfried Tsonga, on ne peut pas lui enlever. C'est le leader des Bleus, vraiment. C'est le boss. Oui. Ah, c'est clairement le boss. Donc en fait, est-ce qu'on peut se passer comme ça d'un boss? C'est compliqué à répondre, vraiment. Est-ce qu'il a toujours une légitimité vu sa saison? C'est la question qu'on peut se poser aussi. Oui. Aussi, mais oui, après, voilà, il y a les forfaits, je le rappelais, de Gasquet et Monfils. Et ça peut peut-être faire mal aussi à l'équipe de France, surtout sur terre battue. C'est vrai. Là-dessus, c'est vrai, je pense que tu as tout dit. ça peut nous faire mal. Est-ce que le double, ce serait la clé de ce week-end? Un mot rapide sur le double. Avec un Cilic en simple, autant, si on est pessimiste, on part avec deux défaites. Est-ce que c'est le double qu'il faut absolument gagner? C'est toujours la clé, de toute façon, le double dans un match de Coupe Davis. Oui et non. Puis c'est notre force. Hein. Oui, de base, mais là, je vais peut-être dire que c'est le match de Chardy, tout simplement, qui est la clé. Oui, parce qu'il y a Marin Cilic qui rentre en compte, mais on sait que L'année dernière, de toute façon, contre la Belgique, le match de double avait été très important puisqu'il y avait Goffin. Mais là, ouais. C'est vrai que si on part du principe que ça va être compliqué contre Marin Cilic, le double est ultra important et on n'a pas le droit d'échouer là-dessus. Allez, on va parler de la réforme de la Coupe Davis parce que c'est la dernière Coupe Davis dans ce format. C'est juste après 30 secondes de pause. Vous avez toujours un coup de mou après le déjeuner ? On a trouvé la solution pour vous motiver. Fini la sieste, fini le café, de 14h à 15h sur Studecweb, on vous offre votre deuxième réveil de la journée. Au programme, des infos vraies ou fausses, et parfois inutiles, le dose du jour pour débattre ensemble, et en fin d'émission, vous pourrez tenter de gagner un pack Studecweb et une photo dédicacée par toute l'équipe en venant trouver un mot au jeu du booster. Le coup de boost, c'est demain de 14h à 15h sur Studecweb. Les titulaires avec Johan Bredov sur Studecweb. Et je le disais, on va parler de la réforme de la Coupe Davis, dernière Coupe Davis dans ce format, c'est-à-dire dans le format où on joue des matchs tout au long de la saison, c'est-à-dire en février, en septembre, en avril aussi, donc la finale en novembre. Vous en pensez quoi de cette réforme ? Je rappelle la réforme, c'est-à-dire maintenant une seule semaine de compétition en novembre, c'est à partir de 2019. Vous t'en penses quoi, toi, Johan ? Je n'aime pas cette réforme, mais je pense ne pas être le seul. C'est quand même une réforme qui fait énormément écho au sport business qu'on a depuis plusieurs années maintenant. La saison de tennis est très longue. Mettre ça en novembre sous ce format-là, pour moi, au niveau des blessures et de la fatigue, ça va être insupportable pour les joueurs. Maintenant, la Coupe Davis avait un besoin de se réformer. Sous cette manière-là, c'était absolument pas nécessaire. Parce que beaucoup de grands joueurs, notamment, n'y participent pas. Federer, par exemple, participe rarement. Nadal aussi, Djoko aussi. Pour ça aussi qu'il y avait cette réforme. C'est évident. Là-dessus, c'est évident. On sait à quel point elle était à bout de souffle. Maintenant, je pense qu'on pouvait la réformer d'une manière, on va dire, un petit peu plus subtile, un petit peu plus intelligente, que d'en faire vraiment cette compétition de fin d'année sur la base d'une machine à fric. Parce que c'est ce que c'est. C'est clairement pour de l'argent que cette compétition va ressembler à ce format-là. Antoine. Bah puis c'est dommage quoi, parce que la Coupe Davis c'était quand même un format unique. C'est un peu comparé, on va dire, un championnat et une coupe en football. C'est un marathon ou un sprint. Et on avait justement cette notion de sur la durée, de pouvoir choisir stratégiquement de si on a un joueur qui est moins en forme au début de la compétition, il peut revenir en forme tout le long de la saison et terminer la saison en beauté en revenant justement, en allant chercher quelque chose sur cette Coupe Davis. Là, ça va se jouer sur un week-end. Ouf. C'est quasiment impossible d'avoir une stratégie vraiment élaborée en fait. Il va falloir, on prend les joueurs qui sont le plus en forme sur le moment, sur un instant T, et puis voilà quoi. Arthur, moi t'en penses quoi toi ? Je suis pas forcément d'accord avec vous. Certes, c'est vrai que c'est dommage parce que voilà, la Coupe Davis c'était légendaire, mais je trouve qu'on regarde les 10 dernières années de Coupe Davis. Franchement, nous la France, on s'y intéresse parce que la France va à chaque fois assez loin dans cette compétition. On a une histoire avec cette coupe. Exactement, mais franchement, quand on regarde les autres pays, ils n'en ont rien à cirer de la Coupe Davis. Et même nous, les Français, on commence à s'y intéresser, à aller aux demi-finales parce que c'était France-Espagne. Parce qu'on gagne. Oui, non, mais c'est ça. Mais franchement, ça ne voulait plus rien dire. Il fallait absolument qu'ils fassent quelque chose parce que ça devenait un peu le néant, cette Coupe Davis. Après, certes, je suis d'accord avec Johan, je crois qu'il l'a dit. J'aime pas comment ils ont fait. Remettre ça en plein mois de novembre. J'aime pas. S'ils avaient mis ça, par exemple, par exemple, comme les JO, une année sur quatre, basé un peu sur la Coupe du Monde de football, le mettre tous les quatre ans et vraiment mettre une chose importante à la clé, je sais pas, des points ATP, quelque chose comme ça, je pense que ça aurait pu attirer pas mal de gros joueurs et ça aurait pu être un événement. Mais là, le faire chaque année au mois de novembre, je pense que ça va être le même système, la même chose, sauf que ce sera plus rapide. Et Johan, t'es d'accord avec ça ? Oui et non. Le principe de la Coupe Davis chaque année ne me gêne pas. Après, oui, faire une compétition tous les deux ans ou tous les quatre ans, ça peut se faire. Moi, c'est plus sur la forme pure, on va dire, des matchs. Si je prends l'exemple en fait d'un France-Suisse qui avait eu en finale, la France n'a pas perdu contre la Suisse. La France a perdu contre Federer et Wawrinka. Pourquoi ne pas faire tout simplement ce même format, mais en mettant que des joueurs différents ? Premier match joué par tel joueur, le deuxième, puis un double, deux autres joueurs, puis le dimanche, deux autres joueurs nouveaux encore. Je pense que ça renforcerait totalement l'esprit d'équipe. Ça peut mettre des joueurs en valeur. Oui, ça peut mettre des joueurs en valeur. Mais c'est vrai que si l'Espagne se retrouve avec Nadal et bah tu vas avoir Nadal dans le double, Nadal dans un simple du vendredi et Nadal dans un simple du dimanche. D'ailleurs, Cilic nous avait battu trois fois en demi-finale quand on les avait affrontés en 2016. Après, on perd 3-2, trois défaites contre Cilic. Après, il faut regarder aussi ce que cherchent les gens. Alors après, bien sûr, pour ce qui est du tennis en général, avoir Nadal tout le temps ou Cilic tout le temps, bah c'est un peu ennuyeux, mais en même temps, c'est ce qui fait aussi regarder une compétition. Les gens vont regarder une compétition parce qu'il y a des grands joueurs, parce qu'il y a Nadal, parce qu'il y a Federer, parce qu'il y a Cilic. Si tu mets une compétition, je prends l'exemple de la Suisse qui a des bons joueurs de tennis mais qui n'a pas un vivier énorme en dehors de Federer et Wawrinka, qui va regarder les matchs de double de la Suisse une fois que Federer et Wawrinka sont passés? Justement, qui va regarder les matchs de l'Espagne? Ça rajoute de l'enjeu. Si tu, Johan, partais sur un principe, on peut partir sur le principe qu'on perd nos deux matchs contre Cilic. Il y a le côté si enjeu. Si tu pars sur le principe que la Suisse va remporter ses matchs grâce à Federer et Wawrinka, le double prend tout un sens. Parce que tu pars sur le principe, il y a déjà deux points qui vont probablement, admettons, à la Suisse. Alors le double, ça peut être justement ce match qui peut nous apporter le troisième point, celui de la gagne. Ah, mais je trouve ça beau, moi. Il y a le côté enjeu sportif pour nous, des fans de sport, et puis il y a le côté spectacle pour ceux qui regardent le tennis seulement pour les compétitions. Évidemment. Et ce genre de personnes qui représentent une majorité des spectateurs du tennis, qui est quand même, on le sait, c'est pas le sport majoritairement regardé en France. T'as plein de gens qui regardent le tennis seulement pour des petites compétitions, pour des grosses compétitions, pour des gros joueurs. Il y a pas beaucoup de puristes dans le tennis comparé à d'autres sports. C'est vrai que je rejoins Antoine. Les gens vont regarder, la masse, on va dire, va regarder pour Federer, pour Wawrinka. Ah, mais là-dessus, je suis d'accord. Pour avoir de l'argent, pour pouvoir pérenniser une compétition, pour pouvoir payer les joueurs, pour pouvoir payer les bénévoles, malheureusement, il faut de la starification. C'est tout la contradiction un petit peu du tennis. Mais dans ce cas-là, on pouvait très bien faire ça sous le format qui a été proposé. Un mélange de tout, en fait. Un format tous les deux ans, sous forme de deux semaines, mais avec tout le monde qui joue. Je pense que ça aurait pu avoir de la gueule. Une vraie Coupe du Monde de tennis. Une vraie Coupe du Monde de tennis, totalement. Si c'est la finale de la Coupe du Monde de tennis, et puis tu te retrouves, je sais pas, c'est France-Espagne avec un Beneteau Granollers, tu vois, ça fait quand même un peu, en dernier match, tu te dis, alors qu'on pourrait avoir un, je sais pas, Nadal-Monfils, quoi. Je trouve, dans ton idée, ça peut être aussi... Après, c'est aussi de la gestion stratégique. On a failli avoir une finale de Coupe du Monde de football, Belgique-Croatie. Hein. Et on va pas dire, bah ouais, mais ça claque moins qu'un Brésil-Allemagne. Oui, c'est comme ça, après. Oui, c'est la vie. Suède. Ça aurait été vraiment moins fashion, ça. Dans notre hypothèse, il pourrait y avoir aussi des choix stratégiques. Je reprends par exemple en athlétisme, au 4 x 100 mètres, Usain Bolt, quand il était là, c'était jamais le premier à partir. C'était tout le temps le dernier à finir. Donc c'est vrai qu'on pourrait avoir beaux matchs à la fin. Non, mais c'est vrai que ça peut être. Mais du coup, personne ne regarderait le début. Et après, pour l'engrenage de la compétition, au niveau audience, c'est compliqué. Enfin, il n'y a pas de réponse, en fait. Ouais, c'est compliqué. Il n'y a pas de réponse. Il y aura toujours des inconvénients, quoi qu'il arrive. Ouais, mais tu peux pas trouver la formule parfaite comme ça. Bah, celle d'avant était bien. la formule d'avant, en tout cas, plaisait beaucoup aux Français qui se sont beaucoup exprimés sur la réforme. Oui, forcément. On va écouter Louane, une petite pause musicale, Nos Secrets, et on revient pour parler foot. Nouveauté Studec Web. Louane. Studec Web, 100% nouveaux talents. This ain't loving, this ain't loving. Un si joli bouquet, nos atomes accrochés. This ain't loving, this ain't loving. Un si joli bouquet, nos atomes accrochés. Malgré tout voyager, tes retours des allées. L'espoir adossé. Malgré tous nos secrets, resteront bien gardés. La douceur, la beauté, nos atomes accrochés. This ain't loving, this ain't loving. Un si joli bouquet, nos atomes accrochés. This ain't loving. Les titulaires avec Johan Bredov sur Studek Web. Et on a tourné la page tennis, on passe au foot maintenant. Lyon affronte Saint-Etienne ce soir en ouverture de la 14e journée de Ligue 1. Ce derby, c'est le plus important du football français. Et après une trêve internationale, un vendredi soir, à quoi on peut s'attendre, Johan, pour ce match ? Bah un match serré, en tout cas plus serré qu'à l'accoutumée. On connaît, je pense, tous les difficultés de l'équipe de Saint-Etienne quand ils jouent un dimanche soir, où ils ont une forte tendance à perdre. Je pense que ça peut enlever un petit peu de pression de jouer un vendredi soir après une trêve internationale. Disons que, étant donné la forme méforme qu'enchaîne Lyon depuis ce début de saison, ça peut à peu près tout donner. Lyon part légèrement favori, mais pas tant que ça. Bah, c'est un derby en même temps. Hein. C'est un derby. Là, je crois qu'en fait, c'est impossible à prévoir ce qui va se passer lors d'un derby. En fait. On ne peut pas se dire... Peu importe la forme des équipes, peu importe la forme des matchs précédents, peu importe la forme des joueurs, tout peut se passer sur un derby. L'an dernier, qui aurait prédit que Lyon allait marcher sur Saint-Etienne 5-1 à ce moment-là ? Si, c'était prévisible l'année dernière pour le coup. Mais 5-0 moi, j'avoue que je m'étonnais pas. Le 5-0 était prévisible. Ah, non, il était prévisible, le 5-0. Bon. C'était à Geoffroy Guichard. C'était à Geoffroy Guichard. Au vu de comment jouait Saint-Etienne, au vu de comment jouait Lyon, c'était très très prévisible. C'était plus le match retour où là vraiment on avait un match très très serré. Et il y a eu une sorte de petite vengeance. Il n'y a pas eu de victoire, mais il y a eu un petit coup de clim à la 90e minute. Donc ça fait que les deux ont encore un sentiment de revanche. Les deux équipes ont un sentiment de revanche. Ça va être très très intéressant ce soir. En tout cas, pour Jean-Louis Gasset, Lyon est un peu plus fort, mais il ne lâche rien. C'est un derby. On vous faisait croire que c'était le dernier match de votre vie. D'accord. Donc non, il faut arriver à relativiser et à être... au bon endroit, à la bonne heure. C'est tout. C'est pas la peine de faire des déclarations fracassantes. C'est pas la peine de dire on va. Non. Lyon est plus fort que nous. Et Lyon a plus de grands joueurs que nous. Mais il y a un match à faire. Arthur, Lyon plus fort que Saint-Etienne cette saison ? Cette saison, je sais pas. Sur le papier, oui. Il y a plus de noms ronflants. Mais après, c'est vrai que Lyon, ils sont durs à juger cette année. Parce que c'est vrai que. On l'a vu hein, contre Marseille, contre les grosses équipes, ils ont été vraiment très très impressionnants, un petit peu comme l'année dernière. Mais après, c'est vrai qu'ils s'essoufflent vite contre les plus petites équipes. Après, Saint-Etienne, ça reste quand même une grosse équipe. Et comme on l'a dit, c'est un derby. C'est impossible de prévoir aujourd'hui qui va dominer. Mais après, pour moi, Lyon part quand même légèrement favori parce qu'ils jouent quand même à domicile. Et on a vu que Depay était quand même plutôt en forme ces derniers temps, notamment contre l'équipe de France. Après, c'est un retour de trêve internationale. Tout peut se passer, mais franchement, Lyon, je vois quand même Lyon gagner ce soir. Mais un grand match. Oui. Un grand match. Ah bah oui, un grand match. Logiquement, un grand match. Au vu de la forme des deux équipes, au vu du niveau de jeu des deux équipes, quand elles sont en forme, on devrait avoir un grand match. C'est une évidence. Maintenant, le souci, pour moi, en tout cas, je ne vais pas dire le souci, mais là où ça peut faire mal pour Saint-Etienne, c'est la défense. Saint-Etienne peut réaliser les meilleurs matchs de sa vie avec une défense oscillante. C'est compliqué de défendre face au dynamisme des joueurs lyonnais. Et c'est là où, justement, là où on voit l'absence de Loïc Perrin comme un problème, pour moi, ça n'en est pas forcément un, parce que ça remet Kolodziejczak dans l'axe, et ça met Gabriel Silva à gauche, qui est vraiment beaucoup plus rapide que quasiment tous les joueurs de la défense. Donc, avec Kolodziejczak et Gabriel Silva, il y a peut-être plus d'assurance de pouvoir contrer, on va dire, les offensives rapides des lyonnais. Et peut-être que Lyon aura la tête tournée en Ligue des Champions. Ça, pour n'importe quel autre match, j'aurais dit peut-être. Mais là, sur ce match-là en particulier, je pense que non. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un gros morceau pour Lyon en Ligue des Champions aussi. C'est Manchester City qui vient. Donc, on peut effectivement se poser la question. C'est compliqué à dire parce qu'un derby, dans les têtes, ça se gagne. Surtout que la Ligue des Champions, alors forcément, ça trotte dans la tête des Lyonnais, surtout qu'ils sont deuxièmes. Mais on va se dire que si Lyon perd contre Manchester City... Personne va se dire oh, c'est une honte. Contrairement à ce qu'ils ont fait par rapport à Hoffenheim. Si ça avait été Hoffenheim derrière, que Lyon gagnait le derby à l'arrache, on va dire, et perdait contre Hoffenheim, là on pourrait se dire ouais, il y a un petit truc qui va pas. Mais là, si Lyon gagne le derby même à l'arrache et qu'ensuite ils perdent contre City, on dira bon, bah, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont assuré l'essentiel en championnat, ils vont peut-être être versés en Europa League. Enfin voilà, ça sera moins grave, on va dire. En tout cas, on a entendu l'entraîneur de Saint-Etienne, Jean-Luc Gasset, qui s'exprimait, qui faisait des compliments tout simplement à l'équipe lyonnaise. Et même Genesio en a fait à Saint-Etienne. C'est un club qui a bien travaillé à l'intersaison. Ils ont réussi à garder leurs joueurs cadres. Ils ont fait un recrutement intelligent. Je pense que c'est un club qui est aussi bien structuré. Et donc, ça leur permet d'être aujourd'hui dans les 6-7 meilleurs clubs français. Ils n'ont pas leur capitaine pour le match de demain. Je pense que ça peut être préjudiciable pour eux. Mais ça reste une équipe très bien équilibrée. Une équipe qui est capable à la fois de bien défendre, mais à la fois aussi de créer du jeu. Elle est où la hargne, là, les Jordan Ferry, les Corentin Tolisso qui taclent à tout va? Elle est où, Johan? Ça, c'est la communication lyonnaise. À chaque fois qu'il y a un adversaire, d'un gros calibre, parce que Saint-Etienne reste un gros calibre pour Lyon, étant donné le contexte du derby, Lyon passe toujours la pommade, caresse toujours dans le sens du poil. C'est Lyon. Et puis, tu parlais de il est où, Jordan Ferry? Bah, tiens, petite anecdote, il est prêté à Nîmes jusqu'à la fin de la saison. Oh bah, voilà. Il est où Jordan Ferry? Bah, il est à Nîmes. Bah, il pourra mettre des taquets à Nîmes. Et Tolisso est au Bayern, du coup. Je sais pas si vous savez. Ah bon? Bah, il est blessé. Il pourra plus mettre de taquets, lui, pendant un petit bout de temps. Compliqué alors. Arthur, ce match, Saint-Etienne ou Lyon? Lyon, complètement. Pour moi, Lyon va gagner ce soir. Mais après, pour revenir à ce que disait Antoine, faut pas oublier que Lyon, c'est quand même très jeune. Moi, franchement, ça m'étonnerait pas que certains aient déjà la tête à Manchester City. Bah, surtout qu'ils ont gagné à l'aller en plus. Donc, on a moyen de faire quelque chose encore à la maison. On sait qu'ils sont quand même très sûrs d'eux quand on voit leur réaction, leur comportement sur le terrain. Après, certes, ça reste un derby, mais il n'y a pas tous les anciens joueurs, les joueurs d'expérience. C'est quand même très jeune encore, cette équipe. Donc, c'est vrai que si ils font un mauvais derby, ils perdent 2-3-0, enfin, allez, 2-0, contre Saint-Etienne et qui perdent ensuite à Manchester City. Attention à Lyon quand même, parce que ça pourrait peut-être pas rentrer dans une crise, mais il faut faire vraiment attention, parce qu'il y a quand même eu les deux matchs d'Offenheim qui, je pense, sont encore dans la tête de beaucoup de supporters lyonnais. Je vais pas dire que c'est le match de la dernière chance, mais attention quand même à pas faire n'importe quoi contre Saint-Etienne. Un mot rapide pour vous, Lyon, Saint-Etienne, Johan? Match nul. Match nul. Là, tu m'as dit un mot rapide, je t'en ai dit deux. Match nul. Mais parce qu'on sait en plus, il est superstitieux. Moi, je pense malheureusement. C'est vite dit, mais je pense Lyon. Et en tout Lyon cas, est assez largement. Lyon assez largement. Lyon pour l'instant qui est devant Saint-Etienne au championnat. En fait, c'est un choc. Hein. Lyon 4e avec 24 points et Saint-Etienne qui est juste derrière avec 25 points. On va parler maintenant du PSG. PSG qui joue Toulouse. Et qui va jouer surtout en Ligue des Champions ce mercredi. En Ligue des Champions face aux Reds de Liverpool. Et alors là, c'est un match qu'il faut gagner. Neymar, Mbappé blessés. Est-ce qu'ils seront disponibles mercredi, Antoine? Alors, selon Tourelle, en conférence de presse cet après-midi, oui. Il va les reposer pour le match contre Toulouse. Et selon ses mots, il devrait être apte. Après, de vrai, voilà, on sait tous toujours ce que ça vaut. Surtout avec des blessures musculaires comme celle de Neymar ou Mbappé, on peut pas vraiment se prononcer à l'avance, ça dépendra de l'évolution. Mbappé, vu que c'est à l'épaule, je pense qu'il sera au moins dans le groupe. Après, ça sera en fonction de son état de santé, comment il se sent physiquement, s'il sera aligné ou pas, titulaire ou pas, on verra. Neymar, je pense qu'il va falloir surveiller beaucoup plus attentivement sa blessure parce que c'est aux adducteurs. Et on sait à quel point les footballeurs, c'est précieux les adducteurs, mais ça peut être très capricieux aussi comme muscle. Johan. Quand des joueurs de ce calibre-là sont potentiellement inaptes à jouer ce match, c'est le bluff qui entre en jeu. Ça sera des conférences de presse à coup de « oui, ils vont sûrement jouer, non, ça va être compliqué ». Puis de toute façon, on ne sera au courant qu'une heure avant le coup d'envoi, là où les équipes seront dévoilées officiellement. Moi, je pense que c'est surtout le match le plus important de la demi-saison du PSG et très loin. Donc, je pense que même sur une jambe, Neymar il va le jouer. Là, c'est la finale de la demi-saison en fait. C'est la finale de la demi-saison. C'est le match à remporter à tout prix pour le PSG. Alors, est-ce que ça se fera avec un Di Maria, Mbappé, Neymar, Cavani, ou est-ce qu'on aura le droit à Nkunku et Draxler sur les côtés? N'empêche que Di Maria, Draxler, Cavani, c'est quand même l'attaque qui a mis 4-0 au FC Barcelone. Et c'est vrai. Et j'ai rien à te répondre. c'est l'attaque qui s'est pris 6-5 contre le FC Barcelone. Je vois pas de quoi tu parles, ce match n'existait pas. Non, mais ouais, Lucas. Moi, je pense que c'est un gros coup de bluff de Tourelle. Peut-être pas par rapport à Mbappé, mais par rapport à Neymar. À mon avis, c'est vraiment pour essayer de bouleverser, on va dire, la stratégie de Jürgen Klopp. Mais à mon avis, Neymar sera pas prêt vu sa blessure. J'ai entendu quelques discours de certains médecins. C'est très compliqué, en tout cas, de récupérer entièrement en une semaine comme ça. Et attention, faut quand même se méfier parce qu'on sait que Neymar, pour moi, je trouve, il a pas très bien récupéré de sa Coupe du Monde. Encore, certes, il a fait un bon. Non, mais il a fait. Je voulais pas dire ça. Je dis quand il s'est blessé en Coupe du Monde. Il n'avait pas encore récupéré. Au final, on a vu que ça a été préjudiciable pour la suite. Excusez-moi, je me suis mal exprimé. Alors après, c'est un choix à prendre pour Tourelle. Est-ce qu'il faut juste mettre Mbappé et assurer avec Neymar sur une jambe? Je ne suis pas sûr, mais franchement, je pense que si ça se trouve, sans Neymar, le PSG pourrait être plus intéressant. J'aimerais bien voir un PSG sans Neymar une fois. Alors ça, c'est quelque chose qu'on dit depuis très longtemps. Et voilà, et bah, surtout on s'est rendu compte que Neymar est très important au PSG. Surtout quand on voit ce que fait Neymar sur les derniers matchs. C'est-à-dire que là, contre Naples, c'est lui l'homme du match. Tout le monde dit il a tout raté, il a perdu plein de ballons. Oui, mais il faut voir comment il s'est rendu disponible, contrairement à ses coéquipiers. Bah oui, et parce que personne lui propose de solution. Donc oui, forcément, il va les perdre les ballons au bout d'un moment. Ça va être Neymar. Neymar a du déchet. Ah oui, première mi-temps, je suis d'accord. En deuxième mi-temps contre Naples, il a joué tout le long, il ne passait jamais le ballon, il passait le ballon que à Mbappé. Quand Cavani est rentré 3-4 fois, il pouvait rejouer avec Cavani, il a pas joué une fois, il préférait aller tout seul tout le long. Ouais, mais il est décisif sur tous les buts. Ça c'est du fantasme, ça, l'histoire de Cavani et Mbappé qui jouent pas ensemble, de Neymar qui veut pas donner la balle à Cavani, c'est n'importe quoi. Cavani, c'est juste que Cavani tu attaques à Neymar dans le match, oui, voilà. Soi-disant. Ouais. Non mais c'est juste que Cavani, tu lui donnes la balle dans les 30 mètres, tu sais qu'elle va pas revenir, ou alors dans ton dos, ou alors pas vraiment où tu l'avais demandé. Non, c'est Cavani, il faut lui donner le ballon devant le but. Après, pour revenir à ce qu'on disait, est-ce qu'on pourrait pas aussi tout simplement jouer la carte de Neymar Joker? Là, j'ai forcément en tête le match du PSG contre le Barça en 2011-2012. Où Paris est qualifié virtuellement après un but de Pastore, Messi rentre et fait basculer le match à lui tout seul parce que pareil, Messi était blessé juste avant, il était rentré en cours de match et juste par le fait qu'il rentre en jeu, il y avait eu un changement de comportement de l'équipe parisienne. Alors en plus, il est important, il est décisif sur le but de Pedro parce que c'est lui qui fait l'appui, mais juste son entrée, ça avait tout changé. C'est 50-50. C'est 50-50. Après, c'est dans une moindre mesure, mais je me souviens également du pari de Marseille en 2004 en finale de Coupe de l'UEFA contre Valence. Drogba qui était un peu blessé, qui était la star olympienne et qui est rentré. Qui est rentré chaud, qui a même été titulaire alors qu'il était à 80%. Et à 80% ou même 70%, on s'est rendu compte que c'était 30-40. Quoi, et Drogba n'avait rien pu faire de la finale à cause de cette blessure. Donc c'est risqué comme Paris, c'est risqué. C'est risqué, mais sans Neymar, Paris va jouer comment? Moins bien. Moi, je me mets en totale opposition avec ce qu'a dit Arthur. Il y a un truc que j'ai remarqué chez Neymar, il y a du déchet. Mais pour un joueur qui, on le savait, on savait que le motif financier avait été très important pour venir à Paris ou autre, On le voit quand même. Non, carrément. Quand tu viens et que tu touches 32 millions, dis pas que c'est pas important. J'ai pas dit pas important. C'est moins qu'on le pense. C'était le plus important. Je pense sincèrement que cette année, Tourelle a réussi à lui faire aimer vraiment cette manière de jouer. Ouais. Neymar prend son pied sur le terrain et même s'il y a du déchet, il prend vraiment son pied. On le voit. Il aime jouer comme ça. Le repositionnement, le fait d'être à la fois, on peut le retrouver porteur d'eau des fois, tout comme d'un coup en pointe. Il défend beaucoup plus, il attaque, il aime jouer énormément. Ça me fait un petit peu penser à comment Griezmann a aimé jouer grâce à Simeone. Sauf qu'il y a cette touche magique en plus. Avec tout le respect que j'ai pour Griezmann, il y a ce truc magique en plus quand Neymar a la balle. Après, Neymar, en plus, ce qui me fait aller dans ton sens, Johan, c'est que son pire match de la saison, pour moi, c'est à Liverpool et il était aligné ailier gauche. Ouais, c'est le seul match de la saison où il était aligné ailier gauche. Tu dis. Ligue des Champions, non, mais de la saison. Son pire match de la saison. Parce qu'en Ligue 1, certes, il s'éclate, mais en Ligue des Champions, j'ai pas. Là, cette année, pour moi, il n'y a pas un match où vraiment je me suis dit, waouh, il est vraiment incroyable. Faut que tu regardes le match contre l'Étoile Rouge de Belgrade alors. Parce que... Oui, je vous ai pas parlé de Ligue 1. Non, mais c'est pas un match de Ligue des Champions contre l'Étoile de. Qui a gagné contre Liverpool, qui a gagné contre Naples et qui a fait nul contre Liverpool. Non, mais contre Liverpool ou Naples, je suis désolé, à quel moment il a pesé vraiment sur le match? Certes, contre Naples, il a été meilleur au retour, mais non, mais tu peux pas dire ça. En deuxième période, mais il a perdu tous ses ballons. Qu'est-ce qu'il a apporté en deuxième période? Certes, en première période, il a été très bon. En deuxième période, il défendait pas. Il prenait le ballon, il jouait tout seul. Certes, il faisait quelques percées, mais après, il s'est pris un carton jaune bêtement. Certes, apparemment, il était titillé par l'arbitre. Excusez-moi, on peut pas dire que Neymar a fait un bon match Naples-Paris. Non, mais Neymar, on peut pas forcément dire ça. Ou on peut le dire. Là, c'est un autre débat. Mais je peux t'assurer en tout cas que Liverpool sera beaucoup plus soulagé si Neymar n'est pas sur le terrain. Mais ça, c'est une évidence. Attention, je suis pas en train de remettre en cause le niveau de Neymar, mais je dis que non. Là, tu dis ce que j'ai pas. Tu me fais dire ce que j'ai pas dit. Mais Neymar, je dis pas qu'il va être je dis pas que le PSG va être bien meilleur sans Neymar, non. Mais je me dis que ça se trouve, ce serait possible que certains joueurs se libèrent un peu plus sans Neymar. Qui ? Parce que honnêtement, autant sous Ibrahimovic, là je peux dire que oui, il y avait des joueurs qui étaient un peu inhibés. Là, je vois vraiment pas. Au contraire, je trouve que Neymar en 10, il fait jouer l'équipe comme personne ne l'a jamais fait depuis un paquet d'années. Je rejoins Antoine sur ce point de vue. Là, je vois pas. Autant sous Ibrahimovic, on pouvait le dire, il y avait des joueurs, on sentait un Cavani notamment, qui était complètement inhibé. On sentait même un Pastore des fois qui se faisait marcher dessus. Tu trouves que Cavani est comme avant, se libère avec Neymar. Après, Cavani il traverse son mauvais espace. Il traverse son mauvais espace, mais tout seul. Non, mais il est bien moins bon qu'avant. Ah oui, parce qu'il traverse une mauvaise passe. C'est pas qu'il est bien moins bon, mais c'est que le niveau technique est devenu très très élevé. Ça fait penser un petit peu à Olivier Giroud en équipe de France. C'est son style de lutte. C'est devenu tellement technique autour. C'est devenu tellement technique autour de lui que son rôle va forcément correspondre plus à un rôle de pivot qu'à un rôle de finisseur pur. Cavani, il va toucher moins de ballons. Non, au contraire, je pense que ça va être surtout un finisseur pur en fait. Ça va être que ça même maintenant. Bien Cavani. Sûr, mais par contre, pivot, moi, je trouve justement. Il a un côté pivot, je trouve justement. Oui, mais par contre, quand il en a, il les met pas, contrairement à avant. Là, on pense, c'est le match Cavani, contre. Cavani marche à la confiance. Ouais, c'est Amiens où il rate un truc incroyable devant le but. Faut voir aussi Cavani, il est pas en confiance, mais dès qu'il va l'être, il va planter une vingtaine de buts cette saison. Mais il faut qu'il le soit. Il faut qu'il les mette les buts quand il a les occasions. Mais il a vachement moins d'occasions qu'avant. Et au bout d'un moment, quand t'as pas la confiance comme ça, j'ai l'impression que Neymar arrive avec le ballon, il va lui mettre une fois sur trois à Cavani, et dès qu'il lui met, si elle est pas dedans, ça y est, oh Cavani, t'es nul. Du coup, je te la repasse pas pendant trois fois. J'ai un peu ce sentiment-là. Hein, c'est... Non, mais après, il faudrait voir si Neymar a la possibilité de la mettre à Cavani. Mais en tout cas, ce qui ressort de ce PSG-là, c'est surtout la relation Neymar-Mbappé, qui est à son paroxysme et qui est forcément Cavani en pâtit. Mais il y a un autre joueur dont on va parler juste après une petite pause de 30 secondes, c'est Adrien Rabiot. Salut, c'est Adrien de L'Heure Média. Vous savez, votre émission de décryptage de l'actualité médiatique avec Robin et Romain qui répondront à toutes vos questions sur les médias. Posez-les dès maintenant sur le hashtag L'Heure Média et la page Facebook StudecWeb. Découvrez les toutes nouvelles sorties musicales et gagnez un pack StudecWeb en participant au C'est qui c'est quoi. Inscrivez-vous dès maintenant par mail à leurmedia@studecweb.com. Rendez-vous dès 16h sur StudecWeb pour L'Heure Média, car c'est aussi vos médias. Les titulaires avec Johan Bredov sur StudecWeb. Et on a eu un débat assez mouvementé pour Neymar. Vrai, en tout cas, vrai. C'était intéressant. Et on va parler Rabiot. On va faire un petit débat parce que Rabiot, pourquoi ? Parce que Rabiot n'a toujours pas prolongé à Paris. Et Rabiot est pressenti pour aller à Barcelone dès cet hiver contre une dizaine de millions d'euros. On n'a pas le montant exact. Et alors qu'il soit il prolonge, soit il part cet hiver, soit il part à la fin de l'année, à la fin de la saison, gratuitement. Alors que faire pour le PSG ? Je vais commencer par Johan. Ne pas le laisser partir cet hiver. Je pense pas que 10 millions d'euros en valent la peine, sincèrement. Je pense que vaut mieux garder Rabiot dans son effectif. Ce genre de... Alors là, j'ai pas d'exemple précis qui me vient en tête, mais ce genre de débat revient chaque année avec des joueurs en fin de contrat. Alors, à moins que Paris fasse un recrutement hors du commun dès cet hiver, dans ce cas-là, oui, pourquoi pas vendre Rabiot ? Parce qu'on le sait qu'avec la réforme de l'UEFA, même les joueurs qui ont joué en Ligue des Champions dans un club pendant les phases de poule peuvent désormais jouer quand même cette compétition avec un autre club à partir des huitièmes. C'est le cas depuis l'année dernière. Donc maintenant, le recrutement, alors là, je suis dans le football fiction, mais le recrutement d'un Pogba est tout à fait possible pour jouer la Ligue des Champions. Maintenant, hors achat surprise énorme, il n'y a aucun intérêt à faire partir Rabiot pour 10 millions d'euros. Autant le garder 6 mois et le laisser partir gratuitement. D'accord avec ça, Antoine ? C'est un peu une... Oui et non, j'ai envie de dire, parce que laisser partir Rabiot gratuitement, c'est quand même un aveu d'échec énorme pour le PSG. C'est un aveu d'échec. C'est pire si tu le fais partir pour 10 millions en hiver. Là, au moins, t'en retires quelque chose, tu vois. Alors que si tu le fais partir gratos, tu te dis, ça fait 3 ans. T'en retires rien du tout, c'est-à-dire que tu t'es accroché aux miettes. Ouais, mais ça fait 3 ans que t'essaies de le prolonger. Ça fait 3 équipes successives qui essaient de le faire prolonger. On a eu d'abord Olivier Létang, on a eu ensuite Antero Henrique, et maintenant, on a ensuite Patrick Kluivert, pardon, et on a maintenant Antero Henrique. Aucun de ces 3-là, malgré toutes leurs compétences réunies, on va dire, okay. on a réussi à faire football fiction. PSG Barcelone en quart de finale, but de Rabiot. Tu penses pas que ça sera bien pire que de l'avoir gardé jusqu'à la fin de l'année ? Ah bah non. Sérieusement ? Je pense que là, c'est carrément pire. C'est carrément pire, justement. Justement, joueur, tu n'arrives pas à le prolonger, tu le vends contre une somme modique, parce qu'on sait que Rabiot vaut bien plus que ça, surtout avec la flambée des prix, et tu le vends à à un club que tu peux potentiellement affronter en phase finale de Ligue mais des Champions. Mais Rabiot pourrait pas jouer en Ligue des Champions si, avec la réforme. Faut m'écouter, hein. Faut m'écouter plutôt que de penser à Neymar qui est mauvais. Faut m'écouter, Arthur. J'étais encore dans ma bulle. Autant pour moi, je croyais que. Pardon, j'ai pas entendu. Non, mais et tiens, football fiction dans l'autre sens dans ce cas-là. La saison prochaine, Rabiot, enfin Barcelone et le PSG dans la même poule en Ligue des Champions. Rabiot qui marque contre le PSG à l'aller et au retour. Tu l'as laissé partir gratos. C'est pas pire. Quoi qu'il arrive. Que tu l'aies laissé partir gratos ou contre 10 millions d'euros en hiver, dans tous les cas, il t'aura mis les buts, tu vois ce que je veux dire. Oui. Est-ce que le vrai problème, ça serait pas le fait que Paris n'a pas le milieu? Ah si. Et du coup, si Rabiot part cet hiver, Paris n'a c'est Draxler. D'où le fait que j'ai dit hors recrutement, hors du commun, qui est mine de rien possible à ne pas enlever. Et avec cette réforme, mine de rien, c'est pas enlevé. Je pense qu'un joueur du gabarit de Paul Pogba, si tu viens le chercher avec le salaire et autres, sachant qu'avec Mourinho, il y a un petit conflit. C'est possible. Maintenant, il faudrait vraiment un recrutement d'un tel joueur pour laisser partir Rabiot. Et dans ce cas-là, les 10 millions valent largement le coup. Voir d'un espoir. Moi, je suis pas sûr. Là, c'est pas un espoir qu'il faut. On parle ça fait trop longtemps que Paris a un problème au milieu. Là, c'est pas un espoir qu'il faut. Après, il y a une grosse rumeur Frenkie de Jong, hein, le milieu de l'Ajax, qui avait fait beaucoup de mal justement à Paul Pogba lors du match contre les Pays-Bas, et qui serait aussi une cible du FC Barcelone. Donc, en faisant ça, tu dis à Barcelone OK, on vous file Rabiot, mais on vous pique votre cible qui est plus jeune et peut-être potentiellement plus talentueux. J'ai rien à te répondre, c'est vachement bien ce que t'as dit. Après, Rabiot est extrêmement talentueux, oui. C'est pas pour rien. Et Barcelone, il a un caractère. Je reste quand même sur le principe qu'il vaut mieux avoir un gros calibre. Là, pour le court terme, parce que du coup, s'il y a vente, il y a achat à court terme. Donc, pour le court terme, vaut mieux tout de suite un poids lourd. Et justement, tu parlais de Paul Pogba, on va aller en Angleterre parce que ce week-end, il y a un gros choc en Première Ligue. Tottenham-Chelsea. Je vais vous demander rapidement vos pronostics pour ce match. À quoi s'attendre? Je vais commencer avec toi, Arthur. Pour moi, je vois Chelsea. Ils sont vraiment en super forme depuis le début de l'année. Eden Hazard surfe, on va dire, sur son niveau de la Coupe du Monde. Et après, certes, Tottenham est encore là, comme chaque année, mais je ne les vois pas aller. Je pense vraiment que Chelsea va s'imposer, puisque je vois vraiment Chelsea lutter pour le titre jusqu'à la fin. Mais après, je trouve, cette année, on a un très, très beau championnat d'Angleterre. Le niveau est très, très élevé. Arsenal revient aussi. Franchement, c'est très intéressant. Antoine ? Moi, j'ai envie de dire Chelsea aussi, je pense, parce que même si Tottenham a les capacités pour faire douter cette équipe de Chelsea, intrinsèquement, les joueurs de Chelsea restent quand même intrinsèquement et collectivement supérieurs. Alors qu'à Tottenham, on a un Son qui a été peut-être en sur-régime l'an dernier, qui est un petit peu moins en forme cette saison. On a un Harry Kane qui commence à douter un petit peu aussi. On a un Eriksen qui commence à se demander s'il ne serait pas temps de partir de Tottenham pour vraiment exploser. Donc, il y a quand même des doutes dans cette équipe de Tottenham qu'il n'y a pas dans cette équipe de Chelsea, qui est vraiment en pleine sérénité. Vous l'avez dit, on a un Hazard qui est au top de sa forme. On a un N'Golo Kanté qui a prolongé, qui va donc être complètement libéré de toutes ces histoires de contrats et de prolongations, qui va avoir la tête vraiment complètement tournée vers le football. Je pense qu'avec ces armes-là, Chelsea va battre Tottenham. Johan, Tottenham ou Chelsea? C'est la Suisse. Oh là là. Johan, ouais. C'est la Suisse. Et pas la Suisse contre la Belgique. Non, mais vous savez quoi, je vais dire match nul ou Tottenham. Tottenham ou et Chelsea. Qui... Non, mais c'est les paris, c'est la cote. Non, il y a peut-être Watford qui peut faire quelque chose dans ce match. On ne sait pas. Non, Tottenham, c'est souvent l'équipe qui embête Chelsea. Hein. On sait que Harry Kane, notamment, s'est révélé dans un match face à Chelsea. C'est un adversaire qu'il apprécie. De toute façon, Harry Kane apprécie les gros matchs en première ligue. Ouais. On le sait de manière générale. Un Harry Kane en méforme, 6 buts en 11 matchs, je crois. Je veux bien un joueur en méforme comme ça. C'est pas mauvais. Je pense qu'il y a également beaucoup plus de joueurs qui marquent. Et notamment un joueur qui est excellent à Tottenham depuis le début de la saison, qui est Lucas Moura. Qui est excellent. Donc, moi, je dis Lucas Moura, Kane, Eriksen ou autre, ça peut largement le faire le temps d'un match face à. Ça peut. C'est ça le problème. Le problème, c'est que ça peut, mais qu'on d'où a aucune certitude. D'où le fait certitude. Que je t'ai dit nul ou victoire. Oh là là. Ça peut. On va en Espagne, si vous le voulez bien, parce qu'en Espagne aussi, il y a un gros choc. Atlético Madrid-Barcelone, Griezmann face à Messi. Qui va l'emporter? Match nul. C'est pas vrai. T'es sûr? Match nul. Et là, je pars sur un bon gros 0-0 bien moche. Atlético, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Un bon 0-0 de l'Atlético. Antoine. Ah, je pense que le Barça, quand même, ils sont vraiment en pleine bourre. Hein, donc, puis, mais peut-être, par contre, que Griezmann, il aura envie de montrer un peu au FC Barcelone pourquoi il est resté à l'Atlético. Donc, on peut peut-être avoir un grand Griezmann sur ce match. Là, j'avoue que c'est vraiment à suivre. C'est difficile de se prononcer, quand même. Arthur. Moi, je dis match pourri. 1-0 pour l'Atlético à la 89e. Un but sur corner de. Je sais pas, Godin. Match pourri, voilà, mais une tête, mais moche à 50 cm, comme ça, en sautant une tête plongeante pourrie et poteau rentrant, voire même un but contre son camp. 1-0 pour l'Atlético, je pense. Mais je pense qu'on ne va pas assister à un match incroyable. Bon, en général, c'est souvent ça avec l'Atlético Madrid contre Barcelone. Ça met des taquets à 50 mètres du but et ça arrête le jeu. Voilà, mais il y a un gros match aussi. Il y aura une bagarre avec Diego Costa. Voilà. En parlant de taquets et de bagarre, justement, on va en Amérique du Sud. Oh, joli. Oh, joli. Ouais. Quel match droit de la transition, toi. Ah oui, il y a Boca Junior face à River Plate. C'est bien ça, les amis? Oui, oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Super classico. Le super classico. La finale retour de la Copa Libertadores. Pourquoi il y a autant d'engouement? On va l'entendre. Et pourquoi il y a autant d'engouement en Amérique du Sud? Ça, c'est pour l'entraînement. C'est juste pour l'entraînement. 50 000 spectateurs pour l'entraînement. Il n'y a pas ça en France. Pourquoi? Parce que c'est pas la même ferveur. Il n'y a pas ça en France. Après, là, faut voir quelque chose. Le contexte est particulier. C'est la première fois que les deux clubs s'affrontent en finale de Copa Libertadores de leur histoire. Je vais dire quelque chose comme ça. Ça paraît pas, mais par exemple, surtout avec les interdictions de stade, regardez les camps d'entraînement, par exemple, de Saint-Etienne ou de Lyon. Quand il y a un déplacement en derby, là on a pu voir, il y a des images qui sont arrivées ce matin de l'entraînement de Saint-Etienne avec des milliers de supporters qui étaient tout autour de l'Etra et qui fêtaient avec des fumigènes. Je pense qu'un Saint-Etienne-Lyon a des milliers. Hein, ils étaient des milliers. Mais c'est le cas chaque année, Arthur. C'est le cas chaque année, Arthur. Milliers. Des milliers. Beaucoup quand même. Des milliers. Je te le garantis. Ah, c'était mille, des milliers. 1000 juste. Hein. Vraiment, est-ce que ça fait un million là. Non, mais ils étaient. Je te l'affirme vraiment beaucoup. Je pense qu'un Saint-Etienne-Lyon en finale de Ligue Europa, tout bêtement, hein, je pense sincèrement que le stade Geoffroy Guichard peut se remplir, peut-être pas du côté de Lyon, mais je pense que sincèrement, dans un niveau comme ça, pareil pour un PSG-OM, je vois bien, alors maintenant à Paris, c'est plus la même, c'est avec moins, fort, moins les ultras, mais je vois bien le stade Vélodrome rempli avant une finale européenne entre Paris et Marseille. Non, moi je pense le que le contexte veux... fait ça, quoi. C'est tu première peux pas finale comparer de Copa Libertadores dans l'histoire. Enfin, que ce soit Paris... Marseille, un peu plus Lyon-Saint-Etienne se rapproche un peu plus. Je compare pas la ferveur, je compare le fait qu'un stade peut très bien se remplir pour moi à Marseille s'il y a une finale européenne entre bien Paris sûr, et Marseille. Mais une finale européenne, quoi qu'il arrive, elle se remplira. Mais après, pour moi, s'il y avait deux clubs pour comparer en Europe, ce serait peut-être Celtic Glasgow, Glasgow Rangers, c'est peut-être la... Mais après, il faut voir plein de choses. Voilà, là-bas, c'est vraiment... Le foot, c'est une religion. Bien sûr, le foot est très apprécié en Europe, mais je pense pas qu'on l'a pas. Mais évidemment, rien à voir. Là, tu sais quoi, c'est moi, je suis dans ta peau sur le débat avec Neymar. Je n'ai pas dit, je n'ai pas dit qu'il y avait une ambiance meilleure ou au moins idem en Europe et en Amérique du Sud. Ça n'a rien à voir. Je dis juste que si on prend l'exemple de l'entraînement, je suis pas sûr non plus qu'il y ait 50 000 spectateurs à chaque entraînement de Boca ou de River. Après, oui. Non, mais avant chaque Boca River, par contre, ouais. Ah oui. Avant. Ça, c'est évident. Là, c'est amplifié parce que c'est la finale de Copa Libertadores, c'est la Ligue des Champions sud-américaine. Mais il y a quelque chose quand même avec ces clubs, en particulier Boca et River, mais en Argentine surtout. Au Brésil, il y a aussi ça, mais c'est peut-être un petit peu plus festif. Là, en Argentine, c'est des mecs qui sont prêts à crever pour leur club. Des fois, malheureusement, ils le font. C'est-à-dire qu'il y a des bagarres, c'est vraiment une vie, là-bas, le football. C'est... La semaine des gens est conditionnée par le résultat au Super Classico. C'est clairement politique. On parle de. Ce sont quand même des pays pauvres. C'est le problème. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Tu te rattaches au football dans ces cas-là. Après, le prix des places aussi là-bas, c'est bien moins cher qu'ici. Aussi, ouais. C'est pour ça aussi. C'est sûr que quand on va voir un Paris-Marseille et qu'il faut payer 200 balles la place pour aller voir un match, forcément qu'il y a peut-être un peu moins de ferveur. Et c'est après là, on va peut-être un peu loin, mais forcément que c'est pas les mecs passionnés de foot qui vont forcément. C'est complètement ça, c'est même pas ça, la différence là-dessus, t'as totalement raison. Parce c'est que regarde, si on peut prendre un pays en Europe où les stades sont constamment remplis, c'est l'Allemagne. Et c'est justement un des rares pays en Europe qui a une politique tarifaire qui est justement abordable pour les supporters. C'est une trentaine d'euros pour aller voir un match à Dortmund. Il y a encore des abonnements à 200 euros à Dortmund. Antoine, j'ai le souvenir aussi du match de Ligue des Champions entre le PSG et Leverkusen. Le club avait payé la moitié, je crois, du billet en parkage à ses supporters. Voilà. On voit ça nulle part ailleurs. On est d'accord. Ça donne envie d'aller en Amérique du Sud quand même. Ah bah complètement. Après, je pense que tu dis à une majorité de supporters dans quel stade vous voulez aller, je pense que la Bombonera arrivera beaucoup en première place. Ah ouais. Après, le prix des places du stade sont pas très chers, mais l'avion c'est un peu plus cher, donc c'est plus compliqué. C'est ça qui est plus compliqué. Moi, je veux aller au stade de la Plaine à Clamart. C'est mon stade préféré au monde. Tu sais quoi, quand Clamart doit jouer un derby contre Meudon, il y a des milliers de supporters de Clamart qui sont là. Clamart-Bagneux, je peux te dire que ça rigole pas. Hein. On va écouter un petit peu The Who. C'est le générique d'une série qu'on connaît bien. Et après, on se revoit pour le face-à-face. Hein, ça vous va? T'es prêt, Arthur? I'm ready to go. Avec Johan Bredov sur Studek Web. C'est parti pour le face-à-face entre Johan et Arthur. Vous êtes prêts? Ouais, toujours. Toujours. Merci, quel engouement d'Arthur Vincent. Ce week-end a lieu le dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison à Abu Dhabi. Et si les jeux sont déjà faits, cette course marque le retour de Robert Kubica après 8 ans d'absence. Le Polonais avait été victime d'un terrible accident en rallye début 2011, se fracturant très gravement la main et la jambe. Après un retour progressif sur les circuits depuis 2016, le revoilà en Formule 1 dans l'écurie Williams. Un retour inattendu, mais mérite-t-il vraiment sa place? Johan et Arthur ont leur idée sur le sujet, c'est le face-à-face. Qui veut commencer? Arthur, tu commences. T'as pas le choix. Non, alors, déjà pour te contredire, il revient pas lors de ce Grand Prix. Hein. Il revient pour l'année prochaine, ça a été officialisé hier, il me semble. Alors moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que c'est un pilote qui n'a pas piloté depuis 8 ans. Après, certes, c'est horrible ce qui lui est arrivé. Il a eu un accident, Il a eu un accident au Grand Prix du Canada en 2011 et juste après un accident en WRC. Ce qui me dérange, c'est que déjà, par rapport à un Esteban Ocon qui était pressenti pour revenir chez Williams, c'est que ce gars-là a 33 ans. Il vient avec des sponsors, mais je trouve qu'il n'a plus aucun talent. C'est-à-dire que ce matin, il y avait les essais libres 1 à Abu Dhabi. Il était à 1,5 seconde de Lance Stroll, son coéquipier avec la même voiture, ce qui est énorme en Formule 1. Et Lance Stroll est pourtant pas considéré comme le meilleur pilote de Formule 1. Donc je pense que l'année prochaine, on va assister à un Kubica mauvais qui va finir bas dans le classement, qui va se faire battre par son coéquipier George Russell, un jeune pilote de Mercedes, de l'école Mercedes, qui est très très talentueux. Et au final, je pense qu'il va juste faire un an à la place de mettre un Esteban Ocon qui, parce qu'il n'a pas d'argent, eh bien, va rester sur le bord de la touche et pas piloter pendant un an sous prétexte qu'il n'a pas d'argent. C'est plus du sport, c'est du commerce et c'est ça que j'aime pas. Johan, alors le fait que ça soit du commerce et plus du sport, là-dessus, on est totalement d'accord. Mais j'ai envie de te répondre, c'est comme ça, c'est la vie. C'est également pour ça qu'il ne va pas dans d'autres écuries, parce qu'il y a toujours eu quelqu'un qui est venu avec ses sponsors. Maintenant, Kubica, faut pas oublier, il était considéré comme l'un des meilleurs pilotes du circuit par absolument tout le monde. Tout le monde était d'accord pour dire que c'était un des meilleurs. Il a eu son accident. Alors, on va ajouter une petite touche insolite. Hein. Après cet accident, il s'est reblessé en glissant sur du verglas et il s'est cassé la jambe. Donc, c'est vraiment pas de chance, donc, on va dire, pilote pendant un de moment. Formule 1, c'est intéressant. Il est très adroit, ce mec-là. Là, tu deviens méchant, là. Non, je plaisante. Ah, ils peuvent pas faire un duo avec Grosjean. Bah, on pouvait se poser la question. Il n'y a que des pilotes maladroits en Formule 1 maintenant. Il y en a beaucoup. Ouais. Même Vettel s'y est mis cette année, c'est pour te dire, ça commence à pas être bon la Formule 1 là. Non, mais après, il y a un petit peu de chauvinisme dans ce que tu dis. Ocon, ce n'est pas à cause de Kubica que Ocon n'a pas trouvé de baquet pour la saison prochaine. On peut pas dire ça. Ocon, déjà, il devait aller de base chez McLaren. Et il se trouvait que le baquet était trop petit pour lui. Il était trop grand. Faut savoir que c'est vrai que de manière générale, les pilotes de Formule 1 sont assez petits. Ils vont jusqu'à 1m75 souvent. Ocon fait 1m86. C'est quoi le baquet? Explique ce que c'est le baquet. C'est là où tu t'installes dans ta voiture. Ta petite case, quoi. Ouais, c'est ta petite case. C'est vrai que c'est très petit. Il faut savoir que tu ne peux pas sortir tant que tu n'as pas enlevé le volant ou autre. Donc c'est vraiment très petit, très, très serré. Et Ocon, du coup, fait 1m86 et a des épaules assez carrées. Donc forcément, c'est peut-être un détail pour certains, mais en Formule 1, c'est énorme. Donc là-dessus, il y a ce manque de chance. Il y a le fait qu'effectivement, il n'a pas de sponsor. Ce problème de sponsor ne vient pas qu'avec Williams. Et Kubica, c'est un coup à tenter. C'est un coup à tenter. Alors, effectivement, la Formule 1 a énormément évolué depuis 8 ans. Effectivement, il risque de nous faire une saison. De toute façon, avec Williams, je pense pas que tu peux viser le podium, Arthur, en étant tout à fait honnête. On va le comparer par rapport à son coéquipier. Et puis Ocon, le vrai problème, c'est le problème avec Force India. Il se fait sortir de Force India parce qu'on sait que Lawrence Stroll a racheté Force India et qu'il a mis son fils en mode star de l'équipe et qu'il sait très bien que Perez fera sûrement moins d'ombre à son fils que Ocon. Le problème vient de là. Oui. Donc Kubica n'a rien à voir avec ça. C'est un très beau comeback. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup l'idée. Et à voir ce que ça peut donner. Ça peut être une petite surprise aussi. Oui, mais je suis d'accord. Mais pourquoi au jour d'aujourd'hui on choisit un pilote qui a 33 ans, qui est beaucoup moins rapide qu'un pilote qui a 22 ans, qui est... Pour les sponsors. Mais c'est comme la règle du jeu. Ben oui, mais c'est ça qui me dérange en fait. Et Esteban Ocon, s'il n'est pas allé chez McLaren, c'est certes un peu à cause de sa taille, mais je pense que ça a été servi comme excuse. Mais à la base, c'est parce que Esteban Ocon est prévu pour aller chez Mercedes en 2020. Mais c'est juste que Williams était d'accord pour le prendre, mais il ne voulait pas le prendre sur une période de 1 an. En fait, il voulait avoir un pilote sur la durée. Mais c'est là où ils se contredisent parfaitement. Pourquoi ils prennent un pilote qui a 33 ans, qui lui reste peut-être 3 saisons au maximum, par rapport à un jeune français? Donc certes, on va dire que je suis chauvin, mais si ça avait été quelqu'un d'autre, j'aurais eu le même avis. Mais voilà, Williams, c'est déjà très bas dans le classement. Pourquoi ne pas aller chercher des pilotes talentueux qui pourraient un petit peu leur monter, plutôt que prendre quelqu'un qui n'a pas piloté de Formule 1 depuis... il a piloté, mais voilà, qui a fait une dizaine de tours ces dernières années. Voilà, je comprends pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des très bon argument. J'achète. C'est comme ça. Il y a des sponsors. Les sponsors peuvent également amener du coup donc plus d'argent. Qui dit plus d'argent dit plus de moyens. Qui dit plus de moyens dit des meilleures performances purement mécaniques. Et Kubica, s'il revient, et je pense que c'est pas impossible non plus, je déteste enterrer la personne à l'avance. S'il revient et qu'il n'a rien perdu de son talent, et peut-être qu'avec des meilleurs moyens, ça peut le faire. Et Kubica, il peut revenir donc à son meilleur niveau. Ah oui. Moi, je déteste le principe de dire non, c'est mort. Bien sûr, c'est possible. Non, mais il peut toujours y avoir un exploit. Mais c'est voilà, ces derniers temps, c'est pas du tout rassurant. Le niveau qu'il montre, en tout cas, n'est pas du tout rassurant pour la suite. Bah, merci, messieurs, pour ce premier face-à-face de la saison. Il me reste plus qu'à vous dire au revoir. Merci, Antoine, d'avoir réalisé aussi en même temps. Merci plaisir à tous de nous avoir suivis. Les titulaires reviennent dans 2 semaines et on parlera du Ballon d'Or qui aura été désigné. On espère tous que ce sera un Français. Restez bien sur Studek Web. À bientôt. Studek Web, 100% nouveaux talents.